On va parler des Saguenay de Chicoutimi. On va parler avec Jonathan Hudon, les Saguenay qui retrouvent leur domicile à compter de jeudi. Salut, Jonathan. Salut, Danny. Jonathan, est-ce qu'on est content du côté des Saguenay ou pas? Ah, ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas posé la question précisément à Yannick Jean, là, mais une petite analyse à ma part me permettra de peut-être dire qu'on est content, oui, de retrouver notre domicile puis de ne plus avoir à faire une gymnastique pour aller jouer au Palais des Sports, mais il va sans dire là, que les Saguenay auraient peut-être aimé, tant qu'à ça, terminer la saison au Palais des Sports de Jonquière, là, où ils ont connu possiblement du succès d'ailleurs. Puis, ouais. Les Saguenay là, ont quand même une équipe peut-être là, qui est peut-être un petit peu plus à l'aise sur une petite patinoire. Ça n'a pas toujours. Il y a certains défenseurs, là, sans nommer, sans cibler personne, mais il y a peut-être certains défenseurs où c'est plus difficile là, sur la glace du centre Georges Vézina, des défenseurs qui se débrouillent peut-être un petit peu moins bien avec le 15 pieds supplémentaire. Moins mobile, comme on dirait, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Il y a certains joueurs que leur utilisation est un petit peu plus. À surveiller un petit peu plus à risque sur la glace olympique dans le genre de là. Donc, je pense que oui, là, tant qu'à y être, on aurait peut-être aimé mieux finir la saison au Palais des Sports. Ben, on ne l'a pas demandé, d'ailleurs. J'ai entendu à Radio X dire qu'on l'aurait peut-être même demandé à la ville. Est-ce que c'était une possibilité? Ben, c'est sûr que Serge Prou, là, lorsque les travaux ont été annoncés, le directeur des opérations des Saguenay, Serge Prou disait que tant qu'à y aller, tant qu'à avoir le San Jorge Vézina à la dernière minute, aussi bien terminer la saison au Palais des Sports de Jonquière, mais ça serait quand même pas le cas. Les travaux devraient être finis là, plus tard mercredi, puis jeudi matin, les Saguenay devraient pouvoir s'entraîner sur la glace du San Jorge Vézina. Mercredi, l'équipe opérationnelle là, des Saguenay, là, tout ce qui est en coulisses, devrait pouvoir reprendre possession là, de l'amphithéâtre. Donc, pour tout organiser le tout pour les derniers matchs locaux, puis en vue des séries éliminatoires. Donc, c'est sûr qu'au départ, Serge Prou avait fait part, là, justement, de dire si c'est à la dernière minute, ben, pourquoi pas terminer au Palais des Sports. Ouais. Mais je trouve que c'est peut-être pas. Il va falloir faire ça rapide encore une fois, là. Mais c'est pas. C'est quand même pas, là, trop catastrophique. Les Saguenay vont pouvoir. Faire un entraînement jeudi, peut-être un petit entraînement matinal là, le vendredi avant d'affronter les Huskies vendredi soir et samedi après-midi là, pour les deux derniers matchs de la saison régulière. Ah oui, écoute, et on apprend ce matin que ça va coûter un petit peu plus cher que prévu, hein? Oui, exactement. Là, c'est des dépassements de cours, c'est l'histoire. Vive le Québec! Vive le Québec! Ben oui, c'est ça, exactement. Ça coûte jamais comme il faut, mais. C'est ça, dépassement de couilles, du plomb dans la peinture, puis des travaux un petit peu plus compliqués que prévu, des accès là, qui sont pas toujours évidents. Là. Ça fait du San Jorge Vézina et haut, hein, on va se dire. Donc, des installations de nacelles, puis des échafaudages supplémentaires, plus d'employés aussi. Donc, non, ça devrait monter plus cher, mais bon, on traverse pas le pont, on va être rendu à la rivière. OK. Sur la glace, deux belles victoires en fin de semaine sur la route, t'as parlé de ça? Oui, absolument. Les Saguenay qui étaient sur une séquence de 7 ou 8 de 7 de suite sur la route, ouais. Si je ne me trompe pas. On a gagné là, au bon vieux Bob Gartin de Gatineau, à l'Arena Robert-Gartin, parce que c'est jamais facile de gagner des matchs là-bas. Là. Quoique les Olympiques connaissent leur port d'ennui dernièrement, mais peu importe, les Saguenay ont jamais abandonné, là, sont revenus de l'arrière dans ce match-là avant que les deux frères Climat ont vraiment pris charge là, de ce match-là. Kevin a compté les deux buts là les deux buts, là, d'abord créer l'égalité en troisième période avant de donner des gens à son équipe. Les Olympiques ont créé l'égalité en fin de troisième période, puis son frère Kelly, qui avait déjà récolté deux passes précédemment, a scellé l'issue de la victoire en prolongation. Donc, une belle victoire là, pour les Saguenay vendredi. Puis le lendemain, face aux Cataractes de Shawinigan. D'ailleurs, il y avait 4000 personnes là, au centre Gervais de Shawinigan, alors que les Cataractes avaient été officiellement éliminés des séries la veille à Victoriaville après avoir mangé une volée de 9-1 contre les Tigres. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est bon de souligner qu'il y avait quand même 4000 personnes là, à Shawinigan pour un match alors que l'équipe était officiellement éliminée des séries, un match sans enjeu. Les Saguenay ont bien fait Les Saguenayens ont bien joué, ont obtenu plusieurs chances de marquer. Comme Yannick Jean disait après le match, il y a des soirs où que ça veut moins rentrer que d'autres. Là. C'est un peu ça qui est arrivé. Je pense que on me disait que les Sags ont pogné, ont frappé 7 poteaux moins au cours de la rencontre. Donc c'est sûr que ça dans ce temps-là, le manque d'opportunisme des fois finit par venir te hanter. Puis c'est ce qui est arrivé là, avec 10 secondes à faire alors que les Saguenayens menaient seulement 1-0. Jérémy Manceau des Cataractes a créé l'égalité grâce à 10 secondes. Donc un petit cadeau aux partisans des Cataractes en créant l'égalité. Puis après une prolongation un petit peu plus terne, mais enthousiaste, Samuel Hood, puis Vladislav Kotkov là, avec une superbe feinte. Je l'aime Kotkov, hein. Il est classé pour être repêché, lui, hein. Oui, absolument. C'est un deuxième ronde à peu près. Hein? Ouais, c'est sûr, je pense que c'est quelque chose du genre un gros bonhomme, honnêtement. Là, si c'est 4, si c'est 5. Ouais, c'est ça. Si c'est 4, si c'est 5, ouais, facile. Là. Ouais. Plus de 200 livres, devra améliorer sa mobilité, mais non, c'est un joueur prometteur. Puis, honnêtement, s'il continue de se développer, de prendre la masse, de prendre encore un pouce ou deux, là, dans 2 ans, 19 ans, devrait être un joueur excessivement dangereux là, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est-tu un gars, c'est un gars physique? Déjà un monstre. C'est-tu un gars physique? Ben, un gars qui se sert peut-être pas autant de son physique là, qu'un joueur qui est axé sur le jeu physique. Il n'est pas axé proprement dit sur le jeu physique, mais okay. Il est capable de prendre soin de lui, puis n'a pas peur de prendre des coups, n'a pas peur d'en donner, mais c'est sûr que c'est peut-être pas dans sa nature humaine là, de donner des percutants de mise en échec. Mais ne pense pas nécessairement à dévisser l'adversaire, là, si tu me permets l'expression. Ouais. Mais se sert bien de son corps quand même pour protéger la rondelle notamment, puis manœuvrer là, en territoire adverse. OK. Il se passe quoi en fait cette semaine pour les Saxes? Ouais, ben c'est ça, là, on retrouve notre bon. Oui, c'est vrai qu'on vendredi, jeudi pour un entraînement. Vendredi. C'est vrai, non, avant ça, mercredi, les Saguenayens sont à Québec, j'allais oublier. Contre les Remparts qui vont très très bien. Les Remparts, ouais. Ouais, absolument, sur une bonne séquence, les Remparts, puis les Remparts, là, le classement est tellement serré que pour eux, là, c'est quand même assez important d'aller chercher des points, ben, pour les Saguenayens aussi d'ailleurs, mais plus pour une position de bon classement, là, les Remparts qui sont actuellement 7e, à 2 points, les Tigres de Victoriaville est du 6e rang, à égalité avec les Huskies de Rouyn-Noranda au 8e rang. Donc les Remparts, là, c'est pour eux, ben on veut s'assurer de l'avantage de la glace, qui est ben oui. Presque assuré, là. Mais c'est ça. Les Remparts veulent ramasser des points pendant que les Saguenayens sont 14e, toujours un point d'avance sur les Wildcats de Moncton. On verra bien. La dernière fois, là, il y a peut-être environ 3 semaines à Québec, ça avait pas été facile pour les Saguenayens. Le fait de 8-2 là, avait donné beaucoup de chances de qualité à l'adversaire. Ça avait coûté la victoire. Donc on verra si de quelle façon que les Saguenayens vont rebondir cette fois au centre Vidéotron. Toujours un petit cachet spécial là, de jouer dans cet amphithéâtre là. On espère que on dirait que toujours qu'un petit effet de nouveauté qui demande, ben oui. On espère que cette fois-là ça va passer. Puis sinon on termine la saison régulière là, avec 2 derniers matchs à domicile contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies qui vont peu moins bien, ont remporté 4 victoires à leurs 10 derniers matchs. Sont coussi coussa, sont 8e justement, ont légèrement baissé au classement. Ouais. Eux aussi veulent s'assurer de l'avantage de la glace, comme je disais un petit peu plus tôt. On verra bien. À surveiller là, chez les Huskies, c'est toujours intéressant. J'ai le Bouchard, entraîneur club de Normandin. Ensuite, yes. Samuel Harvey, le gardien de but d'Alma. Raphaël Harvey Pinard, l'attaquant. Un jeune attaquant d'Arvida avec beaucoup de fougue, un joueur que j'aime bien, honnêtement. Donc c'est des joueurs qui sont à surveiller. Ça ajoute un intérêt là. Puis c'est ça, comme je disais aussi, le classement est quand même serré pour les Saguenayens. Ils peuvent encore espérer finir 13e là. Ils devront remporter les 3 derniers matchs, puis espérer un petit coup de main du Drakkar de Bécomo. Mais en tout cas, honnêtement, le 14e ou le 15e rang là, ça en plus à être à la portée des Saguenayens de Chicoutimi, mais c'est ça, ça reste à suivre. Okay. Encore une fois, il y a de l'intérêt en cette fin de saison. Là. C'est ce qui est le fun avec le classement, des fois, le junior majeur, il n'y a rien n'est joué là, jusqu'à la fin de la saison. Écoute, c'est même les positions 2 à 14, là, ça peut bouger. 2 à 15, en fait, ça peut bouger. 1-16, c'est le seul affrontement, je pense, qui est coulé dans le béton entre l'Armada 1er et les Foreurs de Val-d'Or 16e. Sinon, là, tout est encore possible pour tout le monde, autant pour les Saguenay là, que pour les autres équipes. Il va falloir attendre à samedi soir avant de dire les Saguenay vont affronter telle équipe. Donc, rien n'est joué. C'est tant mieux pour les partisans. Jonathan, on se reparle mardi prochain avec les prédictions. Avec plaisir, Dani, on va essayer de faire des humbles prédictions. Ouais, du journal Le Quotidien, Jonathan Hudon.